Si vous voulez dire que vous allez voir quelqu'un dans le sens de rencontrer quelqu'un, c'est complètement différent de phrases comme « je vais voir la télévision » ou « regarder un livre », etc. C'est pourquoi le chinois a une autre manière de dire « voir ». En français, nous disons « j'ai vu ce livre ». Et nous utilisons exactement le même mot pour dire « je te verrai demain » dans le sens « je te rencontrerai demain ». En chinois, il existe des mots différents et celui qu'on utilise pour dire « je te verrai demain »,« je te rencontrerai demain » est « tien ». Tien, doigt noir pointé vers le sol, tien. Donc c'est la même prononciation que dans maintenant. Maintenant se dit sien, mais celui-ci s'écrit avec un j, tien. Jane, Tarzan veut voir Jane, mais Jane ne veut pas voir Tarzan. Alors comment diriez-vous voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un? Tien. Tien. Alors comment dit-on « je voudrais te voir maintenant » Et je vous précise qu'en chinois, « te voir » se dira littéralement « voir toi » ou « tu ». L'ordre des mots est inversé par rapport au français. Alors traduisez d'abord « je ». Wo. Maintenant. Tiànzài. Vouloir, avoir envie de. Xiang. Voir, rencontrer. Tien. Toi ou tu. Ni. Comment dites-vous maintenant? Tiànzài. Attention, il faut dire xiàn. Xiànzài. Oui, xiànzài. Comment dites-vous voir, voir ou rencontrer? Tien. C'est ça, tien. Je voudrais te voir maintenant. 我现在想见你. Comment direz-vous? Elle voudrait te voir maintenant, mais elle est occupée. Elle. Ta. Maintenant. 现在. Vouloir, avoir envie de. 想. Te voir, c'est-à-dire rencontrer toi ou tu. Tien, ni. Comment dites-vous de, toi ou du? Ni. Oui, c'est ni. Mais. Que, shi. Elle. Ta. Occupée. Hao. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit elle est bien. Oui, elle est probablement très bien, mais je voudrais entendre elle est occupée en utilisant la règle des deux syllabes. Et on a besoin de deux syllabes, mais on ne peut pas simplement utiliser le mot occupée car il n'y a pas de négation ni d'interrogatif. Donc, on a une syllabe à ajouter. Alors, laquelle allez-vous prendre? Hen. Et maintenant, occupée. Man. Excellent. Alors encore une fois, s'il vous plaît, dites-moi, elle est occupée. Elle. Ta. Est occupée. Hen. Man. Elle voudrait te voir maintenant, mais elle est occupée. Ta. Xian zai. Xiang. Tien ni. Que shi. Ta. Hen. Man. Comment direz-vous? Il va bien. Mais il ne veut pas me voir maintenant. Commencez par dire « il va bien » et rappelez-vous la règle des deux syllabes. Alors, « il va bien » Ta hen hao. Mais que shi. Il ta maintenant tien, non, xian zai. Ne pas vouloir, ne pas avoir envie de. Bu xiang. Me voir, c'est-à-dire rencontrer moi ou je. Tien wo. Il va bien, mais il ne veut pas me voir maintenant. 他很好，可是他现在不想见我。 Pourquoi ? Il va bien, mais il ne veut pas me voir maintenant. Pourquoi ? 为什么 ? Il voudrait les voir maintenant, c'est pour ça. Précisons que les voir se dira en chinois voir il ou voir elle, avec il ou elle au pluriel. Mais commençons par traduire il au singulier. Ta. Maintenant. 现在 Vouloir, avoir envie de. 想 Voir, rencontrer. 见 Les, c'est-à-dire il ou elle au pluriel. 他们 Comment dites-vous vouloir, avoir envie de? 想 Attention, c'est 想 avec le V rouge de la victoire. 想 Oui, 想 Alors, pourquoi il voudrait les voir maintenant? 为什么他现在想见他们?